L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. En 2012 a été créée la Journée mondiale du bien-être. En 2022, ça se passe le 11 juin. Et c'est l'occasion de faire un coup de projecteur sur une pratique qui est en lien avec ce bien-être. C'est peut-être encore assez peu connu, ça s'appelle l'art-thérapie. Et pour nous en parler, nous avons en studio Romane Lutringer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes art-thérapeute. Vous avez déjà pratiqué en institution. Là, vous avez récemment ouvert un atelier d'art-thérapie à Nancy. Comment vous définiriez l'art-thérapie? La définition standard, c'est l'utilisation des médias artistiques à des fins thérapeutiques. Moi, ce que je préfère dire, c'est que c'est une manière finalement de s'exprimer autrement et de mettre ce qu'on a dedans en dehors. Et l'avantage en fait d'utiliser un support plastique, c'est que les personnes vont être face finalement à toutes ces pensées, tout ce qui les anime, afin de pouvoir discuter autour et mener à un apaisement psychique finalement par la mise en sens de tout ce qui est inscrit dans leur production. Et quel bienfait ça apporte? Moi, je parlerais d'apaisement psychique, parce que le fait de mettre en forme finalement les différentes choses qui nous animent, c'est une sorte d'extériorisation. Donc, c'est plutôt positif. Et c'est vraiment une manière de s'exprimer, de prendre place et je dirais même de remettre du sens finalement à une histoire qui parfois n'est pas réellement la nôtre. Et le fait de jouer avec les formes, avec les couleurs, ça nous permet de remettre un petit peu de sens là-dedans, du moins un sens plus tolérable pour nous, pour permettre aux personnes d'avancer le plus sereinement possible avec leurs failles, leurs souffrances. Vous avez découvert cette pratique comment? Je l'ai découvert par moi-même, par ma propre expérimentation. En fait, j'étais en classe de seconde au lycée à Épinal et on devait réaliser une œuvre plastique. Et très vite, je me suis rendu compte qu'à travers cette œuvre, je racontais quelque chose de moi, sans même mettre de mots dessus, sans prendre la parole. Mais les images que j'avais faites, c'était des photos. Les photos, en fait, parler d'elle-même, et c'est quand je me suis rendu compte au moment où je les ai présentées devant ma salle de classe du haut de mes 16 ans, je me suis rendu compte que quelque chose était en train de se passer, que je venais de faire passer un message qui était très personnel, et finalement qui là venait d'être divulgué au grand jour, mais sans que j'aie des mots à poser dessus. Et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, mais Romane, c'est ça que tu vas faire de ta vie, tu vas aider les gens à parler d'eux autrement, plus facilement, pour essayer de les libérer de tout ce qui peut un petit peu les emprisonner finalement. Vous vous appuyez sur différentes techniques? C'est surtout des arts plastiques, pour ma part. Après, l'art-thérapie est très vague, donc on peut parler de théâtre, de musique, de danse, etc. Mais moi, c'est surtout le média plastique. Tout ce qui est peinture, encre, dessin, etc. Le déclic, c'était au lycée. Après, vous avez fait vos études dans cette optique-là. De faire de l'art-thérapie? C'est ça. Après, j'ai fait la faculté de psychologie à Nancy jusqu'au Master 1. Puis après, j'ai fait une formation de 2 ans à Lyon pour l'art-thérapie. Et comment se passe une séance d'art-thérapie? Moi, je propose des séances de 2 heures, donc que ça soit en individuel ou en collectif. La durée est à peu près la même. Il y a toute une première partie de création. Donc en fait, soit j'amène un thème qui reste relativement vague pour que les gens puissent s'en emparer ou non. D'ailleurs, il y a des gens qui ne répondent pas forcément à la proposition et c'est pas forcément le but non plus. Donc il y a toute une première phase de création, puis après on passe à la phase de verbalisation qui est en fait un temps où chacun à son tour, quand on est en collectif, on raconte un petit peu ce qu'on a fait dans nos œuvres. Donc c'est une manière de se réapproprier finalement ce qu'on a lâché en dehors et puis ça nous offre un espace de parole qui est important également pour aussi limiter l'interprétation de l'art thérapeute qui est très vite tenté finalement de mettre ses propres symboles, son propre vécu sur une œuvre qui n'est pas la sienne. Donc c'est une manière aussi de redonner sa place d'acteur finalement aux gens dans leur parcours de soins ou du moins leur parcours thérapeutique. Et je pense que c'est aussi ce qui m'anime dans l'ensemble de mes démarches et de mes projets, c'est vraiment la volonté de redonner cette place d'acteur à la personne qui, malheureusement, la perd peut-être un petit peu aujourd'hui. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences artistiques. Alors, c'est ça qui est assez génial. Donc, en effet, ça peut être un frein de se dire « Oh, mais je ne sais pas dessiner, j'ai aucune compétence technique, je ne vais rien pouvoir faire. » Mais on n'est pas du tout aux Beaux-Arts. On n'est pas là dans une recherche de technique ou de beauté esthétique. On est vraiment là pour laisser libre cours à son imagination et se découvrir par toute cette création et chacun d'entre nous a une part de créativité, je crois, qui demande finalement qu'à être extériorisé, qu'à prendre place. Oui, l'art-thérapie est ouvert à tous et je pense que c'est pertinent justement, pas seulement pour les grandes pathologies comme on peut le trouver en hôpital ou dans des structures, mais je pense que même pour les petits bobos du quotidien, comme j'appelle ça, ça peut avoir un impact plutôt important. Vous avez déjà pratiqué en institution ? C'est ça. En fait, ma toute première expérience a été dans le cadre de mon stage de Master 1. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de faire mon stage à Espoir 54, donc, qui est une structure qui s'occupe de l'accompagnement des personnes handicapées psychiques. Et ça a tellement bien pris que j'ai continué l'aventure en tant que bénévole dans la même structure. Et pendant 5 ans, ils m'ont laissé la possibilité, en fait, de mettre en place des ateliers à la fois collectifs et individuels. Et l'autre expérience qui a été vraiment été fondatrice et qui m'a confortée dans ce projet d'ouvrir un atelier pour tous, c'est mon expérience à l'UDAF. J'ai eu la chance, en fait, de mettre en place pendant un an de manière autodidacte des ateliers. Donc, des ateliers qui ont duré de septembre à juillet. De septembre à décembre, on était environ à 4-5 personnes. Et à partir de janvier, j'étais complète tous les samedis avec des retours très, très positifs là-dessus. Pour expliquer, l'UDAF, c'est ? Alors, l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. Donc, ça se situe à Nancy. Et j'ai eu la chance d'avoir leurs locaux, d'avoir un budget attribué. Et à ce moment, j'exerçais du coup sous couvert de l'association SAP 54, qui est une association qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui, elle aussi, m'a permis de faire beaucoup de choses finalement dans le domaine de l'art-thérapie. Et vous avez donc ouvert votre atelier, l'atelier Pétalier. C'est ça. À Nancy. Une nouvelle expérience aussi, vous l'avez ouvert quand ? Alors, je l'ai ouvert en avril 2022, donc c'est vraiment tout récent. Et ça répond vraiment à ma volonté d'offrir aux personnes un espace de création loin des structures ou des cabinets libéraux qui parfois manquent un petit peu d'artistique finalement dans le contexte. Et j'avais vraiment cette volonté de pouvoir exercer dans un lieu artistique afin de permettre à tout le monde de développer sa créativité au mieux. Vous avez déjà accueilli pas mal de personnes d'horizons différents. Quel retour vous avez eu de celles-ci ? Généralement, des retours très positifs. Après, c'est sûr que l'art-thérapie n'est pas adaptée à tout le monde, comme tout type de thérapie. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir, finalement. Mais l'essentiel des retours est très positif. Je me souviens aussi d'avoir lu certains retours d'expérience où les gens me disaient que leur année d'atelier d'art-thérapie à l'UDAF, par exemple, avait été fondamentale dans leur vie. Et donc ça, c'est le genre de message qui fait plaisir. Et surtout, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans et que l'art-thérapie est seulement en train de prendre un petit peu son envol et de prendre sa place. Donc, c'est plutôt encourageant. Donc, on peut essayer une séance avec vous, peut-être ? Comment ça se passe ? C'est surtout en individuel. Y a un premier entretien, en fait, qui consiste qu'on se rencontre, rencontrer la personne, que la personne rencontre l'art-thérapeute qu'elle sera peut-être amenée à voir pour raconter un petit peu son histoire de vie, mais surtout pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle attend de l'art-thérapie, qu'est-ce que dans son esprit ça signifie, peut-être un petit peu ses peurs et surtout la direction où elle a envie d'aller, toujours dans cette dimension de rendre la personne acteur de son histoire et de son parcours, lui demander ce qu'elle a envie d'aborder, de la manière dont elle a envie de le faire, et aussi, ça peut paraître anodin, mais savoir si elle a une appétence artistique particulière avec tel média ou tel support, afin de favoriser le plus possible finalement son expression. Comment on fait pour vous contacter ? On peut me contacter sur ma page Facebook ou ma page Instagram, qui s'appelle tous les deux Atelier Pétalier. J'ai aussi un site internet du même nom et par mail, donc atelier.pétalier@gmail.com. Merci beaucoup, Romane Lutringer. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.